Aurait-il par devers lui la science de l'inconnaissable, Raïb, au point qu'il voit tout ? Ou peut-être, n'a-t-il pas été informé du contenu des feuillets de Moïse ? Et Abraham, qui s'est acquitté de sa mission et de ses devoirs ? Lesquels feuillets indiquent que nul ne portera le fardeau d'un autre ? Et que l'homme n'aura que ce pour quoi il a œuvré. Mais que son effort sera considéré. Puis, il sera pleinement rétribué. Et que vers ton Seigneur, tout devra aller à sa fin. Et que c'est lui qui fait rire et fait pleurer. Et que c'est lui qui fait mourir et vivre. Et qu'il a créé le couple en mâle et femelle. À partir d'une goutte de sperme éjaculée. Mais qu'à lui incombe l'autre création. Et que c'est lui qui enrichit et qui pourvoit aux besoins. Mais que c'est lui le seigneur de Sirius. Et c'est lui qui fit périr les premiers Hades. Et les Thamoud jusqu'au dernier. Et le peuple de Noé avant eux, qui fut encore plus injuste et plus rebelle. Et les villes renversées, c'est lui qui les démolit. Il les couvrit par ce qu'il devait les couvrir. Quel bienfait de ton Seigneur alors mettras-tu en doute ? Voici un avertisseur héritier des avertisseurs d'autrefois. L'heure imminente approche. Elle ne saurait être dévoilée par d'autres qu'Allah. Sont cela des propos qui vous étonnent ? Auriez-vous plutôt que d'en pleurer ? Ne vous en souciant nullement. Prosternez-vous donc devant Allah et adorez-le.